Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et c'est la première émission de cette nouvelle année 2020. Je vous souhaite une très bonne année à tous et surtout une très bonne santé. Nous sommes le lundi 6 janvier, nous souhaitons une bonne fête au Gaspard. Plusieurs dictons aujourd'hui, pluie au roi, blé jusqu'au toit et dans les tonneaux, vin à flot. À la fête des rois, le jour croît du pas du noix. Si le soir du jour des rois, beaucoup d'étoiles tu vois, aura sécheresse en été et beaucoup d'œufs au poulailler. Ou encore, regarde comment sont menées depuis Noël 12 journées, car suivant ces 12 jours, les 12 mois auront leur cours. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale des orphelins de la guerre. Et hier, donc, c'était l'épiphanie, puisque c'était le premier dimanche. Mais normalement, c'est bien le 6 janvier qui célèbre donc la visite des rois mages. Dans les événements qui se sont déroulés, 6 janvier en 1838, première démonstration du télégraphe par son inventeur Samuel Morse. 1887, première apparition du détective Sherlock Holmes dans la nouvelle Une étude en rouge d'Arthur Conan Doyle. Et en 1978, c'était la création de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés en France. Allez, tout de suite, on va marquer une première pause musical avec Sister Sledge et leur titre We Are Family. Faith in you and the things you Peter Slage, We Are Family sur RGM, un peu plus de 8h36. On parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 6 janvier 1947, naissance d'Andrea Ferréol, actrice française, connue pour son rôle de Rose dans les séries Les Toqués et Weekend chez Les Toqués, et vue également dans Vive la Colo ou encore Famille d'accueil. 1949, naissance de Thierry Ardisson, animateur producteur télé français. 1955, naissance de Rowan Atkinson, acteur britannique vu dans Hot Shot 2, 4 mariages et un enterrement, Love Actually, les vacances de Mr Bean dans le rôle de Mr Bean, Johnny English, le retour, Johnny English contre-attaque dans le rôle de Johnny English, mais on le connaît surtout hein, pour son rôle de Mr Bean dans la série télé du même nom. 1959, naissance de Kathy Slade, chanteuse américaine des Sisters Slade. 1969, naissance de Norman Reedus, acteur américain, connu pour son rôle de Daryl Dixon dans la série télé The Walking Dead, vu également dans les séries Charmed ou encore Hawaii 5-0. 1972, naissance de Neck, chanteur italien. 1979, naissance du comte de Bouderbala, ancien basketteur franco-algérien, devenu humoriste et acteur, vu dans Les Seigneurs ou encore Super Chondriac. 1981, naissance de Jérémy Renier, acteur belge, vu dans Le Pacte des Loups, dans le rôle du marquis Thomas Dapcher, Potiche, Clo-Clo dans le rôle de Claude François ou encore Saint-Laurent dans le rôle de Pierre Berger. Et on termine en 1982 avec la naissance d'Eddie Redman, acteur mannequin anglais vu dans Raison d'État, Elisabeth L'Âge d'Or dans le rôle de Thomas Babington, Une merveilleuse histoire du temps dans le rôle de Stephen Hawking, récompensé de l'Oscar du meilleur acteur, Les Animaux Fantastiques et Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald dans le rôle de Norbert Dragono. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec le chanteur Neck et son titre Laura Noche. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare ho fuso. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te. Ci sei te, oh, Laura dov'è? Mi manca sei. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. So che cosa fare? distanza, ma tra bene ed amore c'è solo Laura e la mia coscienza. Se vuoi ci amiamo adesso, oh no, però non è lo stesso. Ora so, c'è ancora il suo riflesso tra me e te. Mi dispiace ma non posso, Laura c'è, se vuoi ci amiamo adesso, oh no, mi casca il mondo addosso. E ora so, c'è ancora il suo riflesso tra me. Le chanteur Nek, le titre Laura Noche sur RJM. Il est un peu plus de 8h42 et il est temps pour nous, eh bien on va changer les bonnes habitudes, j'ai pas fait la météo, donc on va commencer par l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et oui, hein, c'est la reprise, faut le temps de reprendre les bonnes vieilles habitudes. Allez, on commence donc avec du sport. Et en football, les résultats de la Coupe de France et l'élimination hier de Raon-l'Étape, 2-3 face à Lille. Et Raon-l'Étape qui était tout de même mené 2-0. Après, ils ont réussi quand même à revenir dans le match, mais pas assez pour battre Lille. Mais ils sortent quand même avec les honneurs. Épinal qui s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Sannois-Sagratien. Nancy qui s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Grande-Synthe. Dans les autres résultats, les qualifications du PSG, Dijon, Nice, Angers, Montpellier, Lorient, Saint-Étienne, Lyon, Rennes, Monaco, Strasbourg, Nantes et Bordeaux. Et du club réunionnais de Saint-Pierroise qui a battu Niort chez eux. A noter également l'élimination de Toulouse et Marseille qui a eu chaud, mais au final s'est qualifié au tir au but. Ce soir, Rouen reçoit Metz. Un mot de basket avec en National 1 la victoire du Jet face à la Charité, 101-96. Pendant les fêtes, du côté de la NBA, nous avons appris le décès de David Stern, ancien grand patron de la Ligue hein, pendant 30 ans. De nombreux hommages lui ont été rendu sur les réseaux sociaux avec notamment Magic Johnson, Nicolas Batum, Rudy Gobert et j'en passe. Et d'ailleurs, pour rendre hommage à David Stern, eh bien, tous les joueurs joueront avec un brassard noir jusqu'à la fin de la saison. Un mot de hockey sur glace avec la D2. Samedi, c'était le gros match puisque Épinal recevait Meudon. Les deux équipes étaient premiers à ex-aequo. Épinal avec un match en moins tout de même. Eh bien, c'est Épinal qui s'est imposé 6-3. Et donc, Épinal est seul leader maintenant au classement de la poule avec, je vous le disais, un match en moins. En ski, la victoire de Clément Noël sur le slalom de Zagreb. Un mot de handball, il y avait de la Golden League ce week-end. Vendredi, la France a battu la Serbie 40-26 et malheureusement hier, les Français se sont inclinés face au Danemark 30-31. En volley, tournoi de qualification olympique, la France n'a pas tremblé face aux champions d'Europe en titre, les Serbes. Nos Français se sont imposé 3-7-0. Un mot de tennis avec l'ATP Cup où la France a battu le Chili 2-1 grâce à Gaël Monfils et Benoît Paire. Le double a été perdu. Aujourd'hui, les Français affrontent les Serbes. C'est d'ailleurs en ce moment, je vais regarder si il y a quelque chose puisque le début était à 8h30. Donc c'est Benoît Paire qui affronte Lajovic et un petit peu plus tard, Gaël Monfils, lui, devra affronter le numéro 2 mondial, hein, Novak Djokovic. Alors, Benoît Paire, je ne le trouve pas. Oui, si, ça y est. Eh bien, pour l'instant, oui, voilà. Hein, il y a 15-0, et c'est le Serbe qui sert. Donc voilà, vous voyez, 15-1, ça vient tout juste de commencer. Et dans les tournois, à noter qu'à Brisbane, Kristina Mladenovic a été éliminée dès les qualifications. À Auckland, Caroline Garcia s'est imposée ce matin face à Townsend, 3-7-0. Et à Doha, aujourd'hui, il y aura un duel franco-français entre Chardy et Barrère.